schizophrène, j'entends des voix me rappeler mes défauts. C'est ta faute, me disaient mes darons plus que des fois. La qualité en moi est pas dans un bout de shit. Je me bats les couilles de vos modes, de vos sacs Gucci. Adolescent, j'ai dû monter mon bis pour me payer. Des fringues et le collal qui me permettaient d'étayer. Une vie où les larmes tombaient en bas comme moi de haut. L'absence d'un père, ça reste présent, on demande à de nos. Le monde est à nous, encore faut-il le comprendre. La bêtise est en vous, je le constate, c'est constant. Des talents gâchés, ils ont perdu la flamme. En même temps c'est dur de gagner en ayant la flemme. Moi comme le soleil, je veux briller au zénith. Alors là je m'entraîne et je vois que le succès hésite. Le chaos mal, je crois pas qu'on vit dans le même monde. Quand je parle de Philippe Maurice, man, tout le monde sur Belle Blonde.